Fiodor Dostoïevski, Les carnets du sous-sol. Partie 1, chapitre 2. Maintenant, messieurs, je veux vous raconter, que cela vous plaise ou non, pourquoi je n'ai même pas pu devenir un insecte. Je vous l'ai dit avec solennité, j'ai voulu devenir un insecte à de nombreuses reprises, et même là, je n'ai pas eu l'honneur. Je vous assure, messieurs, avoir une conscience trop développée, c'est une maladie dans le plein sens du terme. La vie quotidienne ne se contenterait que trop d'une conscience normale, c'est-à-dire d'une conscience inférieure de moitié ou de trois quarts à celle qui est le lot de l'homme évolué de notre infortuné 19e siècle. Un homme qui aurait, de plus, le malheur particulier d'habiter à Pétersbourg, la ville la plus abstraite et la plus préméditée de la planète. Il y a des villes préméditées ou des villes spontanées. Par exemple, on aurait largement assez de la conscience qui pousse les hommes, soi-disant d'exception, ou les hommes d'action. Ma main au feu, vous vous dites que j'écris ça pour crâner, pour faire le malin, sur les hommes d'action, que mes crâneries sont de mauvais goût et que je fais du tintouin avec mon sabre, comme mon officier. Holà, messieurs, avez-vous déjà vu quelqu'un se vanter de ses maladies ? Ou, à plus forte raison, crâner avec ? Que dis-je ? Mais tout le monde ? C'est bien de ces maladies qu'on se vante, et moi le premier. D'accord, ma réplique ne valait rien. Et néanmoins, je reste fermement convaincu que non seulement une conscience accrue, mais que toute forme de conscience est une maladie. J'insiste. Laissons cela aussi pour l'instant. Dites-moi une chose. Pourquoi est-ce justement, comme par hasard, dans les mêmes minutes ? Oui, les minutes mêmes où je me trouvais le plus apte à prendre conscience de toutes les finesses, du beau et du sublime, comme on disait jadis, qu'il m'arrivait non plus d'avoir conscience, mais d'accomplir des actes si peu reluisants que... Bref, en un mot, qui sont le lot de tous. Mais que je faisais, moi, comme par hasard, dans les instants précis où je sentais le plus que je ne devais pas les faire. Plus je prenais conscience du bien, de tout ce beau et ce sublime, plus je m'engluais dans mon marais, et plus j'étais capable de m'y noyer complètement. Mais l'essentiel restait que ça ne semblait jamais fortuit, comme si c'était ce qu'il fallait, comme si c'était là mon état naturel, et non ma maladie ou mon défaut. De sorte qu'à la fin, j'ai perdu toute envie de combattre ce défaut. Et j'ai fini par faillir croire, peut-être l'ai-je cru vraiment, que c'était bien cela mon état naturel. Mais d'abord, au début, que n'ai-je pas dû subir dans cette lutte ? J'étais incapable de croire que tout le monde était dans le même cas, je cachais donc cela comme un secret. J'avais honte, peut-être ai-je honte jusqu'à ce jour. J'en arrivais à me ressentir je ne sais quel petit plaisir secret, pas normal et pas propre, quand je rentrais chez moi, dans mon trou, par une de ces nuits les plus mauvaises que nous avons à Pétersbourg, et que j'avais une conscience accrue d'avoir fait ce jour-là encore une nouvelle saleté, et... Ce que j'avais fait étant irréparable, je me rongeais secrètement de l'intérieur. Je me rongeais à toutes les dents, me taraudais et me bouffais moi-même, jusqu'à ce que l'amertume devienne une honteuse, une maudite espèce de douceur, et puis une jouissance franche et grave. Une jouissance, oui, une jouissance. J'insiste, j'en parle parce que j'ai toujours voulu en avoir le cœur net. Les autres ressentent-ils ce genre de jouissance ? Que je vous explique. Cette jouissance-là provient d'une conscience trop claire de votre abaissement, du fait que vous sentez vous-même que vous en êtes au dernier stade, et que c'est moche, et qu'il n'y a pas moyen de se sentir mieux, qu'il ne vous reste aucune issue, que plus jamais vous ne serez un autre, que, même s'il vous restait du temps et de la foi pour redevenir quelque chose d'autre, vous ne voudriez plus vous-même, sans doute, vous transformer, et que, si vous vouliez, vous ne pourriez rien faire de toute façon, parce qu'il est vrai, peut-être, que vous n'avez plus rien en quoi vous transformer. Surtout, et à la fin des fins, cela se produit suivant les règles naturelles, fondamentales, de la conscience accrue et de l'inertie qui en découle directement. Et donc, en conséquence, non seulement il n'y a plus moyen de se transformer, mais il n'y a, tout simplement, plus rien à faire. Vous arrivez, par exemple, à cela, avec votre conscience accrue. Vous faites bien d'être une canaille, comme si c'était une consolation pour une canaille d'avoir conscience qu'elle est vraiment une canaille. Pourtant, assez. Ça, pour parler, j'ai bien parlé. Mais j'ai expliqué quoi ? Comment s'explique ce genre de jouissance ? Si, si, je m'expliquerai. Je finirai par y arriver. C'est pour cela que je me suis mis à écrire. Par exemple, j'ai un amour-propre effrayant. Je suis susceptible et rancunier comme un bossu ou comme un nain. Et cependant, j'ai vécu des minutes où si j'avais reçu une gifle, j'aurais bien pu en être heureux. Je ne ris pas. Sans doute aurais-je été capable de découvrir même là une sorte de jouissance. Jouissance du désespoir, cela s'entend. Mais c'est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants. Surtout si l'on ne ressent que trop l'impasse où nous sommes tombés. Et là, cette gifle, comme elle vous écrabouille la conscience, de voir quelle crotte on vient de faire de vous. L'essentiel, quoi qu'on en dise, c'est quand même cela. Que c'est moi le premier coupable de tout. Et le plus humiliant, c'est que je suis coupable sans péché, pour ainsi dire, selon les seules lois de la nature. Parce que d'abord, je suis coupable d'être plus intelligent que tout ce qui m'entoure. Je me suis toujours senti plus intelligent que tout ce qui m'entourait. Et quelquefois, me croirez-vous, j'en ai même éprouvé des scrupules. Du moins, toute ma vie, ai-je regardé pour ainsi dire de biais. Et me suis-je toujours montré incapable de regarder quiconque droit dans les yeux? Parce que je suis coupable, enfin, du fait que même si j'étais doué d'une quelconque grandeur d'âme, je n'en éprouverais qu'une douleur plus grande à la conscience de son inutilité. Je crois que je ne saurais pas quoi faire avec ma grandeur d'âme, ni pardonner à mon offenseur s'il m'avait frappé en vertu des lois de la nature, car il est impossible de pardonner aux lois de la nature, ni oublier, parce que les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Mais l'humiliation aussi. Et même si j'avais voulu ne pas avoir la moindre grandeur d'âme, si j'avais désiré, au contraire, tirer vengeance de mon offenseur, j'aurais été bien incapable de le faire, parce que sans doute, je n'aurais jamais pu me décider, et ça, même si j'en avais eu la possibilité. Pourquoi n'aurais-je pas pu me décider? Je veux dire deux mots sur le sujet.